On va parler de baseball avec notre ami Bruno Boudreau. C'est une chronique qu'on devait faire hier. Puis je suis bien content parce que qu'on l'a fait aujourd'hui parce qu'il y a une grosse nouvelle qui est tombée. C'est le japonais Tomoyuki Sugano, un lanceur japonais, un des bons lanceurs du Japon qui a décidé de passer en Amérique. Et on en parle avec Bruno Boudreau. Salut Bruno. Hello Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bruno, grosse nouvelle ce matin qui est tombée. C'est le Japan Times qui annonce ça. Que Sugano ferait le saut dans le baseball majeur. On ne sait pas encore l'équipe. Donc, c'est un gars qui a quand même qui a lancé que les Giants de Yomiuri fichent en carrière de 101 victoires, 49 défaites. A également 1214 retraits sur des prises, 2,32. A gagné deux fois le meilleur lanceur du Japon, ce qui est l'équivalent du Cy Young. Écoute, tu sais que t'en penses. Moi, je vais te dire une affaire. Je regarde les histoires du Japon. À part des coups de marketing, c'est sûr qu'il y en a eu quelques-uns. Tanaka et des Yankees est probablement le meilleur lanceur que j'ai vu. Mais puis Hideo Nomo, qui était le premier, a très très bien fait. Mais à part de ça, là, beaucoup de maux de bras. Ben, il y a Yu Darvish aussi. Yu Darvish, je suis en train de Ouais. l'oublier. Mais tu sais, sur le lot, là, beaucoup de maux de bras. Puis pour beaucoup d'argent. Ouais, puis tu parles de Yu Darvish. Il a connu une excellente saison cette année, puis même l'année passée avec les Ouais. Cubs, mais il y a eu un passage à vide avec les Dodgers, ça avait été difficile. Donc, Darvish aussi, quand il est arrivé, il y a eu les maux de bras, hein, opération Tommy Ouais. John presque à son arrivée. Les lanceurs japonais, ils n'ont pas les mêmes habitudes. Ben, il lance Ils aux six lancent beaucoup jours, de eux autres. manches. C'est ça, puis ils lancent beaucoup de manches très, très tôt dans leur carrière. Hein. Ouais. Ça part aussi du baseball mineur. Ils n'ont pas le même passage. Ils n'ont pas de système de 2A, 3A et tout ça comme on voit maintenant dans le baseball majeur. Donc, c'est sûr qu'il y a plein d'histoires là-dessus. Tu as nommé quelques cas qui ont vraiment été dominants, mais ça reste toujours une scène. Là. Tu lances une scène puis tu espères que ça tombe du bon Mais c'est côté. parce... Même du côté des frappeurs. Là, on se souvient de joueurs qui sont venus. Il y a eu d'excellents joueurs. Tu sais, mettons qu'on prend Hideki Matsui, il a eu de très bonnes saisons avec les Yankees, mais il y avait tellement un gros hype autour de lui qu'il a quand même un peu déçu toutes les attentes qui avaient été mises sur lui. Il y a Ichiro, qui lui, évidemment, est devenu un joueur en termes de la renommée, même de ce côté-ci de l'océan, mais ça reste que c'est difficile de faire ce passage-là. Puis d'autant plus, je pense, pour les lanceurs, de par justement le changement du nombre de manches, de la fréquence de lancer, puis du type de lancer aussi qu'on doit utiliser, tu sais. C'est pas la même qualité de frappeur, donc peut-être qu'il faut que tu ailles chercher un petit peu plus loin dans le bras pour être capable de retirer les joueurs. Donc, c'est une grosse nouvelle parce que c'est un lanceur, selon ce qu'on peut lire, là, qui était vraiment vu pour traverser puis être un des gros lanceurs à être venu depuis peut-être 5 ou 6 ans. Mais ça reste toujours un gros risque là, Ben, je quand il regarde traverse. Otani. Est-ce que tu considères Otani comme un flop? Ben écoute, il a été blessé, fait que ce serait dur de dire que c'est un flop. C'est Ouais. probablement le. C'est probablement le meilleur joueur, lanceur-joueur là, Ouais. des deux positions qu'on a vues depuis belle lurette. Puis si jamais il peut sortir de cette situation de blessure-là, on a vu que son bâton pouvait être au rendez-vous. Puis quand il était en santé pour lancer, il avait quand même du succès. Donc, je dirais pas que c'est un flop, mais ce qu'on s'attendait de lui, d'arriver puis de faire peut-être 15-20 départs, puis de jouer une cinquantaine de matchs comme frappeur désigné, ça s'est pas produit, là. Donc, est-ce qu'ils seront capables de trouver la bonne façon de faire. Puis là, autre chose, c'est que le calibre de jeu est tellement élevé que des fois, c'est là qu'on voit aussi qu'il faut vraiment que tu te spécialises dans un des deux. T'sais. Puis Otani, éventuellement, devra probablement faire un choix lorsqu'il reviendra de sa blessure, puis va lancer. Si jamais il y a quelconque autre maux de bras, ça va se finir dans le champ. Et il sera un excellent voltigeur, mais ce sera pas. Il apportera pas toute la valeur qu'il pouvait apporter s'il était capable de devenir dominant sur la butte. Parce que quand tu regardes du côté des Angels, puis ton point est bon. On s'attendait tous à lui comme lanceur, puis c'est la faiblesse de Ouais. l'équipe depuis quelques années, puis il n'a pas été capable de fournir de façon régulière à ce niveau-là. Je regarde les Datsuke Matsusaka, Otani, il y en a d'autres également là, qui sont Et arrivés. Matsuzaka, ça, il est arrivé, il a fait fureur quelques saisons, mais par la suite, ça a été très, très difficile pour Daisuke. On s'en souvient que les Red Sox entre autres. Donc, c'est ça, c'est faire attention. Ils ont du millage dans le bras, puis c'est là où que. Puis ce millage-là, ben, c'est pas le même millage que si on regarde, par exemple, des joueurs autonomes. Ben, un gars comme Trevor Bauer, ben, on connaît son historique, on l'a vu lancer, Ouais. il y a des contacts dans les différentes équipes au Japon. Oui, il observe plus qu'on l'observait avant, mais ça reste que c'est pas du tout supervisé de la même façon. Non, non, effectivement. On va y aller maintenant avec les Blue Jays. Écoute, j'en ai fait un commentaire sur les médias sociaux. Tu penses quoi de tout ça? Écoute, à chaque fois qu'il y a un joueur des Blue Jays qui est sur le marché des joueurs libres, à les entendre parler, ils s'en viennent tous à Toronto. Ouais. Ça me fait penser aux Canadiens. Ça me fait penser aux Canadiens qu'à chaque fois qu'il y a un Ouais. joueur de disponible, ben, il intéresserait le Canadien. Fait que, écoute, moi je me dis si on en signe un, deux, ça va être déjà très beau. Et comment tu vois ça? Ben, il y a deux choses. Premièrement, c'est moi, ça me montre que c'est quand même pas la QV de joueurs autonomes la plus grande qu'on a vue des dernières années. Là, on s'en Il y a cachera quand même pas, des là. bons Je veux dire, joueurs quand quand on, même. il y a des bons joueurs, mais quand on gagne numéro un, exemple, puis tu sais, je veux dire, il y a des joueurs qui ont un petit peu déçu. Tu sais, je pense au contrat de Bryce Harper, de Manny Machado, tout ça. Je pense pas qu'un George Springer soit dans la même catégorie de joueurs que ceux-là. Par contre, il y a de solides joueurs. Où d'habitude, des dernières années, jamais on n'aurait entendu les Jays dans un dossier comme Harper, par exemple, ou Machado. Mais dans un dossier comme Springer, on l'a entendu dans le dossier de LeMahieu, on l'a entendu dans Realmuto, on l'a entendu. Trevor Bauer, il a même parlé lui-même sur les médias sociaux. Fait que, moi, je vois deux choses. Soit qu'évidemment, les joueurs cherchent des équipes là, pour mettre un petit peu dans la chair. Puis aller chercher plus gros au niveau de leur contrat, ça c'est une chose. Mais je vois aussi une volonté. Je pense que les Blue Jays cette année, ils ont surpris. On s'en est parlé. Ils ont été plus loin que ce qu'on s'attendait d'eux. Ils ont un noyau de jeunes qui pousse. Puis je pense que il y a de la croyance au niveau de l'équipe que c'est un bon moment. Puis les propriétaires aussi semblent être intéressés à investir un peu plus dans le produit. Donc, ça fait en sorte que le nom apparaît, mais entre le nom qui apparaît puis les signatures, il y a des choses qui vont se passer. Puis, ce qui est drôle, c'est que puis on s'en parlait la dernière fois qu'on s'est parlé par rapport aux assises d'hiver. Cette année, c'est des assises virtuelles hein, qui vont avoir lieu cette semaine. Puis même l'an passé, avec tout ce qui se voyait venir, puis il y a 2 ans, puis il y a 3 ans, ça fait quelques années que c'est plus calme hein, cette assise de l'année. Il y a beaucoup de rumeurs, mais il y a peu de signatures, alors que là, 5, 7, 8 ans, les grosses signatures, ça se faisait aux assises d'hiver. D'arriver au début décembre, puis il y avait comme un raz-de-marée qui se passait. Puis là, ben, c'est beaucoup plus calme. Puis avec la Puis ça situation l'est incertaine, encore beaucoup plus cette année, moi, je pense, là, ben avec. c'est ça. Avec la situation incertaine, des clubs comme les Phillies, par exemple, qui vont remercier les employés réguliers parce qu'ils disent qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont laissé aller des joueurs. Tu sais, tu penses à un joueur comme Realmuto. Ils en ont besoin, là, les Phillies. Donc, d'habitude, c'est une équipe qui a les poches assez profondes pour re-signer un gars comme ça, qu'ils ont été cherchés à quand même gros prix. Donc, quand tu regardes ça en bout de ligne, ça change un petit peu tout le marché. Puis là, ben, il y a beaucoup de guerre aussi. Les agents disent que c'est pas vrai que les équipes ont perdu. Le baseball majeur qui veulent aller en cours avec leurs assureurs parce qu'eux autres, ils réclament des milliards. Donc, il y a tout ce jeu d'incertitude-là qui entoure la situation. Fait que oui, le nom des Blue Jays sort, mais est-ce qu'il y a du concret là-dedans? Est-ce qu'on voit vraiment comme des possibilités, comme tu disais, si on en signe un ou deux, ce sera beau, peut-être plus dans le deuxième tiers de joueurs autonomes comme d'habitude, mais en même temps, le fait que les Blue Jays soient là, c'est quand même un signe plus encourageant que d'autres années où c'était complètement au point mort, puis on voyait qu'il n'y avait pas d'intention du tout d'investir du côté des propriétaires. Oui, effectivement. Donc, ça, on va aussi. Qu'est-ce que tu penses que les Blue Jays ont besoin de plus? Écoute, moi, je l'ai fait la liste un releveur. Je pense que le premier, c'est Liam Hendrick qui pourrait être disponible. Moi, pour moi, là, après ça, un autre lanceur partant, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. La clé, c'est Robert Ray. Est-ce que si Ray redevient le lanceur qui était avec les Diamondbacks il y a quelques années, les Blue Jays sont en business avec Ryan Ryu et Ray. Mais au moment où on se parle, c'est un gros, gros point d'interrogation. Il y a Taijuan Walker qui pourrait revenir également. Donc, moi, je pense qu'un lanceur, un bon lanceur droitier capable d'épauler Ryan Ryu, ça serait pas mauvais. Et un joueur d'avant-champ, soit jouer au troisième, soit à l'arrêt court au deuxième but, parce que. Toi, est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Oui, moi, je vois vraiment le besoin numéro un, c'est la relève, là, en Ah ouais. partant. T'sais, je pense que les joueurs de position, ils ont quand même vraiment, en tout cas, je dirais vraiment une bonne profondeur, je vais dire ça comme ça, les Blue Jays. Mais quand je regarde par rapport à les besoins au niveau de la relève, puis tu parlais d'Hendricks, moi, Hendricks, c'est un lanceur que j'aime bien. Tu sais que j'affectionne Ouais. particulièrement les A's d'Oakland. Cette année, il y a eu une très, très bonne saison, Hendricks. Il a déjà lancé à Toronto Ben oui, c'est ça. par le passé. Et puis, je pense qu'il est vraiment un meilleur lanceur qu'il ne l'était à l'époque. Donc, je pense que ça pourrait amener un bon fit, entre guillemets. Fait que je vois ça de ce côté-là. Sinon, ben, quand tu regardes les joueurs qui. Oui, aussi, même chose. T'sais, je pense qu'un bon releveur, ce serait déjà un premier besoin. Au niveau des lanceurs partants, c'est sûr que Trevor Bauer, son nom, il a circulé. Est-ce qu'il va éventuellement aboutir à Toronto? Moi, je pense pas. Non. Je pense que c'était plus pour amener un peu de discussion. Il est assez extraverti comme personnalité, tout ça. Donc, je serais très surpris de le voir atterrir là. Puis je pense que tu as raison avec Ray. S'il peut se repositionner comme un partant numéro 3, par exemple, ta rotation est beaucoup plus solide. Puis peut-être que tu auras quelqu'un qui va pousser pour venir combler les autres postes que tu vas avoir derrière. Donc ça, je suis pas certain nécessairement que c'est le besoin numéro 1, mais tu manques jamais d'assez bons lanceurs Non. partants. Fait que si un gars comme Power peut vouloir signer à prix raisonnable, il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Sinon, quand tu regardes, par exemple, un gars comme George Springer, qui a exprimé aussi de l'intérêt à écouter un peu l'offre du côté des Blue Jays, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant de ce côté-là. Au niveau du champ extérieur, il amènerait vraiment une solidification du champ extérieur. Mais encore une fois, tu as quand même plusieurs jeunes là, dans l'équipe. Fait que le besoin numéro un reste vraiment de solidifier cet enclos de relève-là. Surtout considérant encore une fois la division, quand tu regardes les enclos de relève que les Jays affrontent, que ce soit les Rays qu'on a vu jusqu'en Série mondiale ou même les Yankees encore une fois cette année, ben c'est sûr qu'il va falloir que tu battes. Au baseball, il faut que tu gagnes dans ta division. Tu joues tellement de matchs à interdivision, puis ces équipes-là sont bâties avec une force en relève. Donc si tu veux être capable de faire quelque chose, il faut voir que tu sois capable aussi d'accoter leur force. Et tu veux parler en terminant du stade. On sait qu'il y a des rumeurs que c'est le Toronto Star qui a sorti ça la semaine dernière. Le Globe and Mail, pardon, qui a sorti ça. Ça a été repris par la plupart des journaux. Les Blue Jays voudraient bâtir un nouveau stade ou démolir le centre Rogers. Moi, je doute fort que ce soit. Ils vont le démolir. Moi, je pense qu'un emplacement sur le bord de l'eau que tu voulais parler. Moi, j'ai jamais été au centre Rogers. J'étais là à plusieurs stades. Par contre, ce que j'ai regardé. Ce que j'ai vu à la télé, c'est pas, après le Tropicana Field, c'est probablement le stade le plus laid du baseball majeur. Et ce sera pas un luxe. Par contre, c'est juste le moment là, qui m'a peut-être mal choisi. Ben oui, c'est ça. Il y a le moment, mais c'est sûr que quand tu regardes la plupart des équipes, je pense pas qu'ils vont s'arrêter sur le long terme avec ce qui se passe actuellement avec la COVID. Là, un coup qu'il y aura un retour à la normale, il faut que tu anticipes, du moins ça, ou que tu penses à ça comme étant une possibilité. Mais quand ils sont arrivés, on se souvient, quand Mark Shapiro a été nommé président là, des Blue Jays, là, une des choses qu'il avait parlé, c'était des rénovations du Rogers Center. Hein. Ils ont investi, ils ont refait le terrain, on s'en souvient, on est passé d'un terrain synthétique avec une nouvelle surface. Ils ont changé des concessions, ils ont changé des bancs dans certaines sections. Donc ça, c'était fait il y a quelques années, 3 ou 4 ans. Puis c'était vraiment... mieux. En fait, ça a été quand même assez bien accueilli. Mais ça reste, comme tu as dit, c'est un des pires stades du baseball avec ça. Puis l'autre chose, c'est que ce qu'ils essaient de voir avec cette place-là, puis moi, je suis allé deux fois hein, au Rogers Center ou au Sky Dome. Je suis allé en 2004. C'était la dernière série de la saison contre les Yankees. Incidemment, là, quelques semaines avant le retour des Red Sox dans la série de 0-3. Puis je suis allé aussi en 2014, donc avec 10 ans d'écart, où il y avait une portion de rénovation dans le stade. Okay. Puis malgré la rénovation, malgré l'ouverture, les concessions, tout ça, ça a quand même un côté moderne, dans le sens que tu peux voir tout le terrain, même dans les concessions, c'est quand même à air ouvert. Mais tout le reste autour, là, c'est une grosse surface de béton avec les rampes pour monter au deuxième niveau. Ça ressemble beaucoup... On peut comparer, tu as parlé de Tropicana Field, mais même le stade olympique, c'est des stades multifonctionnels qui sont vraiment d'une autre époque. Fait que quand je regarde, par exemple, ce qu'on a vu avec le Turner Field qui a fini par être détruit du côté d'Atlanta pour un nouveau stade qui a ouvert il y a 2 ans et tout ça, il n'y a rien de surprenant dans cette nouvelle-là. Puis l'emplacement est vraiment idéal. Là. S'ils décident de le démolir et de reconstruire là, ils sont sur le bord de l'eau, c'est très bien situé, ils pourraient trouver des solutions pendant l'année. Sans le démolir au complet, ils pourraient le jeter à terre puis le reconstruire en partie. En tout cas, il y a plusieurs options. Fait que ça m'apparaît quand même quelque chose de logique. Il faut que ce soit plus petit aussi. C'est une grosse capacité. Ouais. Fait que quand tu arrives en série, ça peut faire des grands moments. Puis on a déjà eu les Argonauts qui ont eu des bonnes saisons qui attiraient dans le stade. Mais on a vu l'expérience entre autres de la NFL. On s'en souvient les Bills qui avaient été joués là. Ils ont accueilli des gros événements de lutte et tout ça. Mais le besoin, je pense, pour la ville, puis surtout pour l'organisation, c'est ça. C'est vraiment d'arriver avec quelque chose de plus neuf puis de plus adapté au sport. Ben effectivement, pour avoir été à PNC Park à Pittsburgh, je peux te dire une affaire, c'est loin de Toronto. Il y a une belle différence. Beau petit stade près de l'eau, c'est tout un décor. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est ça que tu peux penser. Puis les Blue Jays, ben oui, on dit souvent, puis on en a parlé, là, tu sais, que les dernières années, des fois, ils ne voulaient pas dépenser tout ça, mais ça reste une équipe qui est riche, là. Ben ouais. C'est quand même dans le top 10, top 15 des équipes les plus riches du baseball majeur. Le marché de Toronto, c'est un marché ultra lucratif. Les propriétaires, ils ont quand même de l'argent. Donc, c'est un investissement. Puis même Shapiro, à son arrivée, il a voulu investir dans le stade, mais il y avait aussi des réflexions dès le départ de possibles grosses rénovations, de modernisation complète de l'environnement. Donc, que ça ressorte tout ça, c'est un peu surprenant dans le timing, mais il n'y a rien de surprenant dans l'annonce ou dans la possibilité que les Jays aillent vers là. Puis moi, pour y avoir été, écoute, je leur souhaite ça, dans le fond. Un peu comme si les Expos viennent à Montréal, on ne veut pas qu'ils jouent au stade olympique. C'est un peu la même chose. Faites un stade de balle. Tu parlais du PNC, je ne suis jamais allé, mais tout le monde qui sont allés m'ont dit, faut que tu ailles voir ça, Bruno, c'est incroyable. Mais quand tu passes à tous les beaux petits stades de balle qu'il y a partout en Amérique, je ne vois pas pourquoi Toronto et ou Montréal n'auraient pas ça. Ben, on dit que San Francisco est le plus beau stade. J'ai jamais été à San Francisco. Par contre, on classe le Pittsburgh comme le deuxième ou le troisième. Puis moi, pour y avoir été, j'ai vu Cleveland, j'ai vu Détroit, j'ai vu Baltimore, tu sais, les nouveaux stades qu'on dit beaux. Je peux te dire que le PNC Park à Pittsburgh, c'est une couche en avant de ces stades-là. Ouais, fait que je pense que c'est quand même une belle nouvelle. Puis on voit que l'équipe a quand même de l'intérêt à investir dans le produit, autant sur le terrain que dans l'infrastructure. Puis pour moi, ben, en tant que partisan de baseball au Canada, je trouve que c'est quand même des bonnes nouvelles. Bruno, en terminant, je voulais t'en parler en dehors des ondes, mais je t'ai oublié de t'en parler parce que je viens voir une nouvelle. Dale Murphy, ça dit quelque chose? Oui. Tu trouves-tu qu'il y aurait sa place? Parce que là, autant à Cooperstown, c'est le comité des vétérans qui choisit. Là, on parle de ce nom-là. Moi, je pense que Dale Murphy est un excellent voltigeur avec les Braves des années 80. C'était un des meilleurs voltigeurs des années 80 dans le baseball majeur. Là. C'est quand Oui, même ça. Ouais. puis je disais un article la semaine passée, justement, sur le temps de la renommée. C'est drôle que tu en parles parce que ça s'en vient en janvier. On va se faire une chronique puis on va s'en reparler parce que à chaque année, ça revient les sujets. Est-ce que Bonds ou Clemens vont enfin être là? Puis bon, quand tu regardes les votes qui sont rendus publics, pour l'instant, ils sont juste limites. Fait qu'il y a encore du monde qui veut pas les voir là. Puis bon, ça va être encore amené des discussions. Puis le nom de Murphy revient souvent dans ce qu'ils appellent en anglais le Hall of Almost Good ou le Hall of Very Good, mais qui n'est pas le Hall of Fame. Les joueurs oubliés, c'est ça. Que ça fait 10 ans. C'est ça, les joueurs oubliés que ça fait 10 ans ou les joueurs qui sont vraiment sur la clôture. Là, est-ce que Dale Murphy est un Hall of Famer? S'il n'en est pas un, mais il est un Very Good. Fait que c'est comme le Hall des très bons, mais qui n'est pas un Hall of Fame. Je ne l'ai pas assez vu jouer pour venir en juger. Je pense qu'au niveau statistique, il en manque un peu quand j'ai regardé un peu l'analyse qui avait été faite, mais pour ne pas l'avoir vu jouer, ça devient difficile de juger un opinion. Par contre, t'es pas le premier qui me parle de la qualité de joueur de baseball de Dale Murphy. C'est un excellent joueur, Dale Murphy. Là. C'était un excellent joueur. Un des bons voltigeurs du baseball des années 80. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve ça un petit peu. Si Larry Walker y est, pourquoi pas Murphy? Ben, c'est la comparaison qui est souvent amenée. Puis, tu penses à des gars comme Harold Baines, par exemple. Ben, si quelqu'un disait, ben, si Harold Baines est là, est-ce que Dale Murphy, à ses meilleures saisons, était un meilleur joueur qu'Harold Baines? Ben, lui, Baines était frappeur de choix. Ouais, puis Baines était souvent le joueur, et souvent le joueur cité comme étant, ben, si Baines est autant de la renommée, pourquoi lui est pas? T'sais, c'est comme si Baines était vraiment souvent la limite. Si jamais t'étais un meilleur joueur au global qu'Harold Baines, tu devrais être autant de la renommée. Mais moi, je le vois pas de cette façon-là. Je pense que Baines a peut-être été une mauvaise sélection autant de la renommée. Mais en même temps, je comprends l'argument aussi par rapport à des joueurs comme Murphy qui viennent être comparés à lui. Effectivement. Bruno, on s'en reparle à un moment donné pour la rétrospective de l'année dans le monde du baseball. Notre ami merci, Dan. Bruno Boudreau.